Chapitre 7. Le détroit de Davis. Pendant cette journée, le Forward se fraya un chemin facile parmi les glaces brisées. Le vent était bon, mais la température très basse. Les courants d'air, en se promenant sur les icefields, rapportaient leur froide pénétration. La nuit exigea la plus sévère attention. Les montagnes flottantes se resserraient dans cette passe étroite, on en comptait souvent une centaine à l'horizon. Elles se détachaient des côtes élevées, sous la dent des vagues rongeantes et l'influence de la saison d'avril, pour aller se fondre ou s'abîmer dans les profondeurs de l'océan. On rencontrait de longs trains de bois dont il fallait éviter le choc. Aussi le Cross Nest fut mis en place au sommet du mât de misaine. Il consistait en un tonneau à fond mobile dans lequel l'Ice Master, en partie abrité contre le vent, surveillait la mer, signalait les glaces en vue et même, au besoin, commandait la manœuvre. Les nuits étaient courtes, le soleil avait reparu depuis le 31 janvier par suite de la réfraction et tendait à se maintenir de plus en plus au-dessus de l'horizon. Mais la neige arrêtait la vue et, si elle n'amenait pas l'obscurité, rendait cette navigation pénible. Le 21 avril, le cap Désolation apparut au milieu des brumes. La manœuvre fatiguait l'équipage. Depuis l'entrée du brick au milieu des glaces, les matelots n'avaient pas eu un instant de repos. Il fallut bientôt recourir à la vapeur pour se frayer un chemin au milieu de ces blocs amoncelés. Le docteur et maître Johnson causaient ensemble sur l'arrière pendant que Shandon prenait quelques heures de sommeil dans sa cabine. Klaoboni recherchait la conversation du vieux marin auquel ses nombreux voyages avaient fait une éducation intéressante et sensée. Le docteur le prenait en grande amitié et le maître d'équipage ne demeurait pas en reste avec lui. « Voyez-vous, monsieur Klaoboni, disait Johnson, ce pays-ci n'est pas comme tous les autres. On l'a nommé la Terre verte, mais il n'y a pas beaucoup de semaines dans l'année où il justifie son nom. « Qui sait, mon brave Johnson, répondit le docteur, si, au Xe siècle, cette terre n'avait pas le droit d'être appelée ainsi. Plus d'une révolution de ce genre s'est produite dans notre globe, et je vous étonnerais beaucoup en vous disant que, suivant les chroniqueurs islandais, 200 villages florissaient sur ce continent, il y a 800 ou 900 ans. « Vous m'étonneriez tellement, monsieur Klaoboni, que je ne pourrais pas vous croire, car c'est un triste pays. Bon, si triste qu'il soit, il offre encore une retraite suffisante à des habitants, et même à des Européens civilisés. Sans doute, à Disko, à Upernavik, nous rencontrerons des hommes qui consentent à vivre sous de pareils climats, mais j'ai toujours pensé qu'ils y demeuraient par force et non par goût. Je le crois volontiers. Cependant, l'homme s'habitue à tout, et ces Groenlandais ne paraissent pas être aussi à plaindre que les ouvriers de nos grandes villes. Ils peuvent être malheureux, mais à coup sûr, ils ne sont point misérables. Encore je dis malheureux, et ce mot ne rend pas ma pensée. En effet, s'ils n'ont pas le bien-être des pays tempérés, ces gens-là, faits à ce rude climat, y trouvent évidemment des jouissances qu'il ne nous est pas donné de concevoir. Il faut le penser, monsieur Klaoboni, puisque le ciel est juste. Mais bien des voyages m'ont amené sur ces côtes, et mon cœur s'est toujours serré à la vue de ces tristes solitudes. On aurait dû, par exemple, égayer les caps, les promontoires, les baies, par des noms plus engageants, car le cap des adieux et le cap désolation ne sont pas faits pour attirer les navigateurs. « J'ai également fait cette remarque, répondit le docteur. Mais ces noms ont un intérêt géographique qu'il ne faut pas méconnaître. Ils décrivent les aventures de ceux qui les ont donnés, auprès des noms des Davis, des Baffin, des Hudson, des Ross, des Parry, des Franklin, des Belot. Si je rencontre le cap Désolation, je trouve bientôt la baie de la Mercy. Le cap Providence fait pendant au port Anxiété. La baie Repulse me ramène au cap Éden, et quittant la pointe Turnagain, je vais me reposer dans la baie du Refuge. J'ai là sous les yeux cette intéressante succession de périls, d'échecs, d'obstacles, de succès, de désespoirs, de réussites, mêlés au grand nom de mon pays, et comme une série de médailles antiques, cette nomenclature me retrace toute l'histoire de ces mers. Justement raisonné, monsieur Klaoboni, et puissions-nous, dans notre voyage, rencontrer plus de baies du succès que de caps du désespoir? Je le souhaite, Johnson, mais dites-moi, l'équipage est-il un peu revenu de cette erreur? Un peu, monsieur, et cependant, pour tout dire, depuis notre entrée dans le détroit, on recommence à se préoccuper du capitaine fantastique. Plus d'un s'attendait à le voir apparaître à l'extrémité du Groenland, et jusqu'ici, rien. Voyons, monsieur Klaoboni, entre nous, est-ce que cela ne vous étonne pas un peu? « Si fait, Johnson. Croyez-vous à l'existence de ce capitaine ?»« Sans doute. » « Mais quelles raisons ont pu le pousser à agir de la sorte ?»« S'il faut dire toute ma pensée, Johnson, je crois que cet homme aura voulu entraîner l'équipage assez loin pour qu'il n'y eût plus à revenir. Or, s'il avait paru à son bord au moment du départ, chacun voulant connaître la destination du navire, il aurait pu être embarrassé. Et pourquoi cela ?»« Ma foi, s'il veut tenter quelque entreprise surhumaine, s'il veut pénétrer là où tant d'autres n'ont pu parvenir, croyez-vous qu'il eût recruté son équipage ?» Tandis que, une fois en route, on peut aller si loin que marcher en avant devienne ensuite une nécessité. C'est possible, monsieur Klaoboni. J'ai connu plus d'un intrépide aventurier dont le nom seul épouvantait, et qui n'eût trouvé personne pour l'accompagner dans ses périlleuses expéditions. Sauf moi, fit le docteur. Et moi après vous, répondit Johnson, et pour vous suivre. Je dis donc que notre capitaine est sans doute du nombre de ces aventuriers-là. Enfin, nous verrons bien. Je suppose que du côté de Pernavik ou de la baie Melville, ce brave inconnu viendra s'installer tranquillement à bord et nous apprendra jusqu'où sa fantaisie compte entraîner le navire. Je le crois comme vous, Johnson, mais la difficulté sera de s'élever jusqu'à cette baie de Melville. Voyez comme les glaces nous entourent de toutes parts. C'est à peine si elles laissent passage au Forward. Tenez, examinez cette plaine immense. Dans notre langage de baleinier, monsieur Klaoboni, nous appelons cela un ice field, c'est-à-dire une surface continue de glace dont on n'aperçoit pas les limites. Et de ce côté, ce champ brisé, ces longues pièces plus ou moins réunies par leurs bords. Ceci est un pack. S'il a une forme circulaire, nous l'appelons palch, et stream quand cette forme est allongée. Et là, ces glaces flottantes, ce sont des drift ice. Un peu plus de hauteur, ce seraient des icebergs ou montagnes. Leur contact est dangereux au navire, et il faut les éviter avec soin. Tenez, voici là-bas, sur cet icefield, une protubérance produite par la pression des glaces. Nous appelons cela un hummock. Si cette protubérance était submergée à sa base, nous la nommerions un calf. Il a bien fallu donner des noms à tout cela pour s'y reconnaître. Ah, c'est véritablement un spectacle curieux, s'écria le docteur en contemplant ces merveilles des mers boréales. Et l'imagination est vivement frappée par ces tableaux divers. Sans doute, répondit Johnson. Les glaçons prennent parfois des formes fantastiques et nos hommes ne sont pas embarrassés pour les expliquer à leur façon. Tenez, Johnson, admirez cet ensemble de blocs de glace. Ne dirait-on pas une ville étrange, une ville d'Orient, avec ses minarets et ses mosquées sous la pâle lueur de la lune? Voici plus loin une longue suite d'arceaux gothiques qui nous rappelle la chapelle d'Henri VII, ou le palais du Parlement. Vraiment, monsieur Klaoboni, il y en a pour tous les goûts, mais ce sont des villes ou des églises dangereuses à habiter. Il ne faut pas les ranger de trop près. Il y a de ces minarets-là qui chancellent sur leur base et dont le moindre écraserait un navire comme le Forward. Et l'on a osé s'aventurer dans ces mers, reprit le docteur, sans avoir la vapeur à ses ordres. Comment croire qu'un navire à voile ait pu se diriger au milieu de ces écueils mouvants? On l'a fait cependant, monsieur Klaoboni, lorsque le vent devenait contraire, et cela m'est arrivé plus d'une fois à moi qui vous parle. On s'ancrait patiemment à l'un de ces blocs, on dérivait plus ou moins avec lui, mais enfin, on attendait l'heure favorable pour se remettre en route. Il est vrai de dire qu'à cette manière de voyager, on mettait des mois là où, avec un peu de bonheur, nous ne mettrons que quelques jours. Il me semble, dit le docteur, que la température tend encore à s'abaisser. Ce serait fâcheux, répondit Johnson, car il faut du dégel pour que ces masses se divisent et aillent se perdre dans l'Atlantique. Elles sont d'ailleurs plus nombreuses dans le détroit de Davis parce que les terres se rapprochent sensiblement entre le cap Walsingham et Holstenborg. Mais au-delà du 67e degré, nous trouverons pendant la saison de mai et de juin des mers plus navigables. Oui, mais il faut passer d'abord. Il faut passer, monsieur Klaoboni. En juin et juillet, nous eussions trouvé le passage libre comme il arrive aux baleiniers. Mais les ordres étaient précis. On devait se trouver ici en avril. Aussi, je me trompe fort, ou notre capitaine est un gaillard solidement trempé qui a une idée. Il n'est parti de si bonne heure que pour aller loin. Enfin, qui vivra, verra. Le docteur avait eu raison de constater un abaissement dans la température. Le thermomètre à midi n'indiquait plus que 6 degrés, moins 14 degrés centigrades, et il régnait une brise du nord-ouest qui, tout en éclaircissant le ciel, aidait le courant à précipiter les glaces flottantes sur le chemin du Forward. Toutes n'obéissaient pas d'ailleurs à la même impulsion. Il n'était pas rare d'en rencontrer et des plus hautes qui, prises à leur base par un courant sous-marin, dérivaient dans un sens opposé. On comprend alors les difficultés de cette navigation. Les ingénieurs n'avaient pas un instant de repos. La manœuvre de la vapeur se faisait sur le pont même, au moyen de leviers qui l'ouvraient, l'arrêtaient, la renversaient instantanément, suivant l'ordre de l'officier de quart. Tantôt, il fallait se hâter de prendre par une ouverture de champ de glace, tantôt lutter de vitesse avec un iceberg qui menaçait de fermer la seule issue praticable. Ou bien quelques blocs se renversant à l'improviste obligeaient le brick à reculer subitement pour ne pas être écrasé. Cet amas de glaces entraînées, amoncelées, amalgamées par le courant du nord, se pressait dans la passe, et si la gelée venait à les saisir, elle pouvait opposer au Forward une infranchissable barrière. Les oiseaux se trouvaient en quantités innombrables dans ces parages. Les pétrels et les contremaîtres voltigeaient çà et là avec des cris assourdissants. On comptait aussi un grand nombre de mouettes à tête grosse, à cou court, à bec comprimé, qui déployaient leurs longues ailes et bravaient en se jouant les neiges fouettées par l'ouragan. Cet entrain de la gent ailée ranimait le paysage. De nombreuses pièces de bois allaient à la dérive, se heurtant avec bruit. Quelques cachalots, à têtes énormes et renflées, s'approchèrent du navire. Mais il ne fut pas question de leur donner la chasse, bien que l'envie n'en manquât pas à Simpson, le harponneur. Vers le soir, on vit également plusieurs phoques qui, le nez au-dessus de l'eau, nageaient entre les grands blocs. Le 22, la température s'abaissait encore. Le Forward força de vapeur pour gagner les passes favorables. Le vent s'était décidément fixé dans le nord-ouest. Les voiles furent serrées. Pendant cette journée du dimanche, les matelots eurent peu à manœuvrer. Après la lecture de l'office divin qui fut faite par Shandon, l'équipage se livra à la chasse des guilleminots, dont il prit un grand nombre. Ces oiseaux, convenablement préparés suivant la méthode claubonienne, fournirent un agréable surcroît de provisions à la table des officiers et de l'équipage. À 3 heures du soir, le Forward avait atteint le Kindersail, est quart nord-est, et la montagne de Sukertop, sud-est quart d'est demi-est. La mer était fort houleuse. De temps en temps, un vaste brouillard tombait inopinément du ciel gris. Cependant, à midi, une observation exacte put être faite. Le navire se trouvait par 65 degrés 20 minutes de latitude et 54 degrés 22 minutes de longitude. Il fallait gagner encore 2 degrés pour rencontrer une navigation meilleure sur une mer plus libre. Pendant les 3 jours suivants, les 24, 25 et 26 avril, ce fut une lutte continuelle avec les glaces. La manœuvre de la machine devint très fatigante. À chaque minute, la vapeur était subitement interrompue ou renversée et s'échappait en sifflant par les soupapes. Dans la brume épaisse, l'approche des icebergs se reconnaissait seulement à de sourdes détonations produites par les avalanches. Le navire virait alors immédiatement. On risquait de se heurter à des masses de glace d'eau douce remarquables par la transparence de leur cristal et qui ont la dureté du roc. Richard Shandon ne manqua pas de compléter sa provision d'eau en embarquant chaque jour plusieurs tonnes de cette glace. Le docteur ne pouvait s'habituer aux illusions d'optique que la réfraction produisait dans ces parages. En effet, tel iceberg lui apparaissait comme une petite masse blanche fort rapprochée qui se trouvait à 10 ou 12 miles du brick. Il tâchait d'accoutumer ses regards à ce singulier phénomène, afin de pouvoir rapidement corriger plus tard l'erreur de ses yeux. Enfin, soit par le halage du navire le long des champs de glace, soit par l'écartement des blocs les plus menaçants à l'aide de longues perches, l'équipage fut bientôt rompu de fatigue, et cependant, le vendredi 27 avril, le Forward était encore retenu sur la limite infranchissable du cercle polaire. Chapitre 8. Propos de l'équipage. Cependant, le Forward parvint, en se glissant étroitement dans les passes, à gagner quelques minutes au nord. Mais, au lieu d'éviter l'ennemi, il faudrait bientôt l'attaquer. Les ice fields de plusieurs miles d'étendue se rapprochaient, et comme ces masses en mouvement représentent souvent une pression de plus de 10 millions de tonnes, on devait se garer avec soin de leurs étreintes. Des scies à glace furent donc installées à l'intérieur du navire, de manière à pouvoir être mises immédiatement en usage. Une partie de l'équipage acceptait philosophiquement ses durs travaux, mais l'autre se plaignait, si elle ne refusait pas d'obéir. Tout en procédant à l'installation des instruments, Gary, Bolton, Penn, Gripper échangeaient leurs différentes manières de voir. « Par le diable !» disait gaiement Bolton. « Je ne sais pourquoi il me vient à la pensée que dans Water Street, il y a une jolie taverne où l'on ne s'accote pas trop mal entre un verre de gin et une bouteille de porteur. Tu vois cela d'ici, Gripper ?»« À te dire vrai, » riposta le matelot interpellé, qui faisait généralement profession de mauvaise humeur, « je t'assure que je ne vois pas cela d'ici. » C'est une manière de parler, Gripper. Il est évident que dans ces villes de neige qui font l'admiration de M. Clawbonny, il n'y a pas le plus mince cabaret où un brave matelot puisse s'humecter d'une ou deux demi-pintes de brandy. Pour cela, tu peux en être certain, Bolton, et tu ferais bien d'ajouter qu'il n'y a pas même ici de quoi se rafraîchir proprement. Une drôle d'idée de priver de tout spiritueux les gens qui voyagent dans les mers du Nord. Bon, répondit Gary. « As-tu donc oublié, Gripper, ce que t'a dit le docteur ? Il faut être sobre de toute boisson excitante, si l'on veut braver le scorbut, se bien porter et aller loin. »« Mais je ne demande pas à aller loin, Gary, et je trouve que c'est déjà beau d'être venu jusqu'ici, et de s'obstiner à passer là où le diable ne veut pas qu'on passe. »« Eh bien, on ne passera pas, » répliqua Penn, « quand je pense que j'ai déjà oublié le goût du gin. »« Mais, » fit Bolton, « rappelle-toi ce que t'a dit le docteur. » « Oh !» répliqua Penn avec sa grosse voix brutale. « Pour le dire, on le dit. Reste à savoir si, sous prétexte de santé, on ne s'amuse pas à faire l'économie du liquide. »« Ce diable de Penn a peut-être raison, » répondit Gripper. « Allons donc, » riposta Bolton. « Il a le nez trop rouge pour cela, et s'il perd un peu de sa couleur à naviguer sous un pareil régime, Penn n'aura pas trop à se plaindre. » « Qu'est-ce que mon nez t'a fait ?» répondit brusquement le matelot, attaqué à son endroit sensible. « Mon nez n'a pas besoin de tes conseils. Il ne te les demande pas. Mêle-toi donc de ce qui regarde le tien. Allons, ne te fâche pas, Penn. Je ne te croyais pas le nez si susceptible. Et je ne déteste pas plus qu'un autre un bon verre de whisky, surtout par une température pareille. Mais si, au bout du compte, cela fait plus de mal que de bien, je m'en passe volontiers. »« Tu t'en passes, » dit le chauffeur Warren, qui prit part à la conversation. « Eh bien, tout le monde ne s'en passe peut-être pas. » « Que veux-tu dire, Warren ?» reprit Gary en le regardant fixement. « Je veux dire que pour une raison ou pour une autre, il y a des liqueurs à bord, et j'imagine qu'on ne s'en prive pas beaucoup à l'arrière. »« Et qu'en sais-tu ? » demanda Gary. Warren ne sut que répondre. Il parlait pour parler, comme on dit. « Tu vois bien, Gary, » reprit Bolton, « que Warren n'en sait rien. »« Eh bien, » dit Penn, « nous demanderons une ration de gin au commandant. Nous l'avons bien gagnée, et nous verrons ce qu'il répondra. » « Je vous engage à n'en rien faire, » répondit Gary. « Et pourquoi ?» s'écrièrent Penn et Gripper. « Parce que le commandant vous refusera. Vous saviez quel était le régime du bord quand vous vous êtes embarqué. Il fallait y réfléchir à ce moment-là. » « D'ailleurs, » répondit Bolton, qui prenait volontiers le parti de Gary, dont le caractère lui plaisait, « Richard Shandon n'est pas le maître à bord. Il obéit tout comme nous autres. »« Et à qui donc ?» demanda Penn. « Au capitaine. » « Toujours ce capitaine de malheur !» s'écria Penn. « Et ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas plus de capitaine que de taverne sur ces bancs de glace ? C'est une façon de nous refuser poliment ce que nous avons le droit d'exiger. »« Mais si, il y a un capitaine, » reprit Bolton, « et je parierai 2 mois de ma paye que nous le verrons avant peu. »« C'est bon, » fit Penn, « en voilà à qui je voudrais bien dire 2 mots en face. »« Qui parle du capitaine ?» dit en ce moment un nouvel interlocuteur. C'était le matelot Clifton, passablement superstitieux et envieux à la fois. « Est-ce que l'on sait quelque chose de nouveau sur le capitaine ? » demanda-t-il. « Non, lui fut-il répondu d'une seule voix. « Eh bien, je m'attends à le trouver installé un beau matin dans sa cabine, sans que personne sache ni comment ni par où il sera arrivé. « Allons donc, » répondit Bolton. « Tu te figures, Clifton, que ce gaillard-là est un farfadet, un lutin, comme il en court dans les hautes terres d'Écosse ? « Ris tant que tu voudras, Bolton. Cela ne changera pas mon opinion. Tous les jours, en passant devant la cabine, je jette un regard par le trou de la serrure. Et l'un de ces matins, je viendrai vous raconter à qui ce capitaine ressemble et comment il est fait. »« Eh, par le diable, » fit Penn, « il sera bâti comme tout le monde, ton capitaine. Et si c'est un gaillard qui veut nous mener où cela ne nous plaît pas, on lui dira son fait. »« Bon, » fit Bolton, « voilà Penn qui ne le connaît même pas et qui veut déjà lui chercher dispute. » Qui ne le connaît pas ? Répliqua Clifton de l'air d'un homme qui en sait long. C'est à savoir s'il ne le connaît pas. Que diable veux-tu dire ? Demanda Gripper. Je m'entends. Mais nous ne t'entendons pas. Eh bien, est-ce que Penn n'a pas eu déjà des désagréments avec lui ? Avec le capitaine ? Oui, le doc captain, car c'est exactement la même chose. Les matelots se regardèrent sans trop oser répondre. Homme ou chien, fit Penn entre ses dents, je vous affirme que cet animal-là aura son compte un de ces jours. Voyons, Clifton, demanda sérieusement Bolton, prétends-tu, comme l'a dit Johnson en se moquant, que ce chien-là est le vrai capitaine ? Certes, répondit Clifton avec conviction. Et si vous étiez des observateurs comme moi, vous auriez remarqué les allures étranges de cet animal. Lesquelles, voyons, on parle ? Est-ce que vous n'avez pas vu la façon dont il se promène sur la dunette, avec un air d'autorité, regardant la voilure du navire comme s'il était de quart ? C'est vrai, fit Gripper, et même un soir je l'ai positivement surpris, les pattes appuyées sur la roue du gouvernail. Pas possible, fit Bolton. Et maintenant, reprit Clifton, est-ce que la nuit, il ne quitte pas le bord pour aller se promener sur les champs de glace, sans se soucier ni des ours, ni du froid ? C'est toujours vrai, fit Bolton. Est-ce que vous voyez cet animal-là comme un honnête chien, rechercher la compagnie des hommes, rôder du côté de la cuisine, et couver des yeux Maître Strong quand il apporte quelques bons morceaux au commandant ? Est-ce que vous ne l'entendez pas la nuit quand il s'en va à 2 ou 3 miles du navire, hurler de façon à vous donner froid dans le dos, ce qui n'est pourtant pas facile à ressentir par une pareille température ? Enfin, est-ce que vous n'avez jamais vu ce chien-là se nourrir ? Il ne prend rien de personne. Sa pâtée est toujours intacte, et à moins qu'une main ne le nourrisse secrètement à bord, j'ai le droit de dire que cet animal vit sans manger. Or, si celui-là n'est pas fantastique, je ne suis qu'une bête. Ma foi, répondit Bell le charpentier, qui avait entendu toute l'argumentation de Clifton, ma foi, cela pourrait bien être. Cependant, les autres matelots se taisaient. Enfin, demanda Bolton, où allons-nous avec le Forward ? Je n'en sais rien, répondit Bell. À un moment donné, Richard Shandon recevra le complément de ses instructions. Mais par qui ? Par qui ? Oui, comment ? Dit Bolton, qui devenait pressant. Allons, Bell, une réponse ! Reprirent les autres matelots. Par qui ? Comment ? Eh, je n'en sais rien, répliqua le charpentier, embarrassé à son tour. Eh, par le doc captain ! S'écria Clifton. Il a déjà écrit une première fois, il peut bien écrire une seconde. Oh, si je savais seulement la moitié de ce que c'est cet animal-là, je ne serais pas embarrassé d'être premier lord de l'amirauté. Ainsi, reprit Bolton pour conclure, tu t'en tiens à ton opinion que ce chien-là est le capitaine. Oui, comme je l'ai dit. Eh bien, dit Penn, d'une voix sourde, si cet animal ne veut pas crever dans la peau d'un chien, il n'a qu'à se dépêcher de devenir un homme, car, foi de Penn, je lui ferai son affaire. Et pourquoi cela ? Demanda Gary. Parce que cela me plaît, répondit brutalement Penn, et je n'ai de compte à rendre à personne. Assez causé, les enfants, cria Maître Johnson, en intervenant au moment où la conversation semblait devoir mal tourner. À l'ouvrage, et que ces 6 soient installés plus vite que cela. Il faut franchir la banquise. Bon, un vendredi, répondit Clifton en haussant les épaules. Vous verrez qu'on ne passe pas si facilement le cercle polaire. Quoi qu'il en soit, les efforts de l'équipage furent à peu près impuissants pendant cette journée. Le Forward, lancé à toute vapeur contre les icefields, ne parvint pas à les séparer. On fut obligé de s'ancrer pendant la nuit. Le samedi, la température s'abaissa encore sous l'influence d'un vent de l'est. Le temps se mit au clair et le regard put s'étendre au loin sur ces plaines blanches que la réflexion des rayons solaires rendait éblouissantes. À 7 heures du matin, le thermomètre accusait 8 degrés au-dessous de zéro, -21 degrés centigrades. Le docteur était tenté de rester tranquillement dans sa cabine à relire des voyages arctiques, mais il se demanda, suivant son habitude, ce qui lui serait le plus désagréable de faire en ce moment. Il se répondit que monter sur le pont, par cette température, et aider les hommes dans la manœuvre n'avait rien de très réjouissant. Donc, fidèle à sa règle de conduite, il quitta sa cabine si bien chauffée et vint contribuer au halage du navire. Il avait bonne figure avec les lunettes vertes, au moyen desquels il préservait ses yeux contre la morsure des rayons réfléchis. Et dans ses observations futures, il eut toujours soin de se servir de ses snow spectacles pour éviter les ophtalmies très fréquentes sous cette latitude élevée. Vers le soir, le Forward avait gagné plusieurs miles dans le nord grâce à l'activité des hommes et à l'habileté de Shandon, adroit à profiter de toutes les circonstances favorables. À minuit, il dépassait le 66e parallèle et la sonde, ayant rapporté 23 brasses de profondeur, Shandon reconnut qu'il se trouvait sur le bas-fond où toucha le Victory, vaisseau de Sa Majesté. La terre s'approchait à 30 miles dans l'est. Mais alors, la masse des glaces, immobile jusqu'alors, se divisa et se mit en mouvement. Les icebergs semblaient surgir de tous les points de l'horizon. Le brick se trouvait engagé dans une série d'écueils mouvants dont la force d'écrasement était irrésistible. La manœuvre devint assez difficile pour que Gary, le premier timonier, prît la barre. Les montagnes tendaient à se refermer derrière le brick. Il fut donc nécessaire de traverser cette flotte de glace et la prudence autant que le devoir commandait de se porter en avant. Les difficultés s'accroissaient de l'impossibilité où se trouvait Shandon de constater la direction du navire au milieu de ces points changeants qui se déplaçaient et n'offraient aucune perspective stable. Les hommes de l'équipage furent divisés en deux bordées de tribord et de bâbord. Chacun d'eux, armé d'une longue perche garnie d'une pointe de fer, repoussait les glaçons trop menaçants. Bientôt le Forward entra dans une passe si étroite entre deux blocs élevés que l'extrémité de ses vergues froissa ses murailles aussi dures que le roc. Peu à peu il s'engagea au milieu d'une vallée sinueuse remplie du tourbillon des neiges, tandis que les glaces flottantes se heurtaient et se brisaient avec de sinistres craquements. Mais il fut bientôt constant que cette gorge était sans issue. Un énorme bloc, engagé dans ce chenal, dérivait rapidement sur le Forward. Il parut impossible de l'éviter, impossible également de revenir en arrière sur un chemin déjà obstrué. Shandon, Johnson, debout à l'avant du brick, considéraient leur position. Shandon, de la main droite, indiquait au timonier la direction à suivre, et de la main gauche, il transmettait à James Wall, posté près de l'ingénieur, ses ordres pour manœuvrer la machine. « Comment cela va-t-il finir ? » demanda le docteur à Johnson. « Comme il plaira à Dieu, » répondit le maître d'équipage. Le bloc de glace, haut de 100 pieds, ne se trouvait plus qu'à une encablure du Forward et menaçait de le broyer sous lui. « Malheur et malédiction !» s'écria Penn avec un effroyable juron. « Silence !» s'écria une voix qu'il fut impossible de reconnaître au milieu de l'ouragan. Le bloc parut se précipiter sur le brick et il y eut un indéfinissable moment d'angoisse. Les hommes, abandonnant leurs perches, refluèrent sur l'arrière en dépit des ordres de Shandon. Soudain, un bruit effroyable se fit entendre, une véritable trombe d'eau tomba sur le pont du navire que soulevait une vague énorme. L'équipage jeta un cri de terreur, tandis que Gary, à sa barre, maintint le Forward en bonne voie, malgré son effrayante embardée. Et lorsque les regards épouvantés se portèrent vers la montagne de glace, celle-ci avait disparu. La passe était libre, et au-delà, un long canal, éclairé par les rayons obliques du soleil, permettait au brick de poursuivre sa route. « Eh bien, monsieur Clawbonny, dit Johnson, m'expliquerez-vous ce phénomène ?»« Il est bien simple, mon ami, répondit le docteur. Il se reproduit souvent. Lorsque ces masses flottantes se détachent les unes des autres à l'époque du dégel, elles voguent isolément et dans un équilibre parfait. Mais peu à peu, elles arrivent vers le sud, où l'eau est relativement plus haute. Leur base, ébranlée par le choc des autres glaçons, commence à fondre, à se miner. Il vient donc un moment où le centre de gravité de ces masses se trouve déplacé, et alors elles culbutent. Seulement, si cet iceberg se fût retourné 2 minutes plus tard, il se précipitait sur le brick et l'écrasait dans sa chute.